I saw the best minds of my generation destroyed by madness. C'est fondu, c'est une pierre tombale. Si j'y vais, c'est vraiment, c'est mort. Cette lutte avec le papier est vraiment très terrible. Coralie. Alors là, on est dans mon studio dans le 18e à Paris. C'est là où j'ai vécu pendant 4 ans, mes 2 années de master, mon année de préparation au concours et cette année où j'ai un petit peu moins vécu, justement parce qu'on est un peu envahi par les livres. Et comme dit mon amoureux, on est quand même mieux chez moi que chez toi, parce que chez moi, on peut faire 3 pas sans tomber sur 5 livres. Donc là, il y a ma principale bibliothèque, qui est une étagère Billy de chez Ikea, que à peu près tous les étudiants de France et de Navarre ont chez eux. Il me semble que c'est la taille moyenne. Donc là, on a beaucoup de mes livres, principalement des livres de poche, mais aussi des éditions qui ne sont pas des éditions de poche, mais qui restent des éditions très abordables. Puis tout ce qui est dictionnaire et beaux livres. Devant la bibliothèque, on a une pile de Télérama que je n'ose pas jeter parce que j'ai écrit dedans, ce qui est un peu narcissique, mais quand j'y réfléchis, ça ressemble aussi à ma bibliothèque qui est très narcissique. Dans les auteurs qui sont beaucoup présents. Alors là, on a des petits cajonnons, des petites caisses à vin que j'ai récupérées chez les cavistes du quartier, parce que j'avais vu ça chez une de mes meilleures amies. Elle avait une belle bibliothèque faite tout en vieilles caisses de vin. Bon, alors moi, c'est pas aussi beau que chez elle, parce que c'est plus petit. Mais bon, il y en a 2 qui sont empilés, où là, il y a aussi des livres et des livres dessus. Et là, c'est plus les livres un peu intimes, ou les livres que j'aime relire, ou auxquels je reviens. Enfin, c'est les livres où je me dis, je les veux toujours dans ma chambre. Après, c'est les livres qui consolent, ou qui nous surprennent toujours par leur beauté, ou des lectures qui m'ont beaucoup marquée. Il y en a aussi, il y en a quelques-uns que je sais que je pourrais jamais relire, mais qui ont été très importants. Notamment, il y a « Se perdre » d'Annie Ernaux, qui est le livre à lire en cas de rupture amoureuse. C'est le livre qui m'a consolée de mon premier chagrin. J'ai pas été capable de le lire tout de suite après ma rupture, mais quelques mois après, il m'a été conseillé par un de mes meilleurs amis. Et quand j'ai fini ce livre, j'ai aussi su que j'allais mieux. Et il est là, je sais que j'arriverai jamais à le relire parce que j'ai déjà essayé, c'est beaucoup trop douloureux à relire. Mais je ne me vois pas le mettre ailleurs. Et à côté de ça, on a des choses beaucoup plus légères. Par exemple, on a La tête ailleurs de Nicolas Bedos, qui est mon livre d'adolescente, que si je le sors, on verra son état un petit peu pitoyable, que j'ai lu et relu et qui m'a beaucoup consolé à l'adolescence, je sais pas si c'est le mot, mais qui m'a beaucoup apporté parce que j'admirais beaucoup cet homme, même si maintenant il a pu me décevoir par ses dernières prises de parole, mais je l'ai beaucoup admiré et j'aimais sa verve. Et il m'a aussi amené à lire des choses plus complexes, parce que je suis beaucoup venue à la grande littérature par des auteurs vivants et contemporains, parce qu'eux en parlent bien et te donnent envie de les lire et les rendre accessibles. Et j'ai notamment lu Sagan grâce à Nicolas Bedos, parce qu'il en parle, grâce à Samuel Benchetrit qui est aussi par là. J'ai lu Salinger, j'ai lu J'ai lu Fante, enfin, donc j'aime beaucoup la littérature contemporaine. Voilà. On a pas mal Sagan, effectivement. On a Bukowski, Woman, qui est très trash. Et ça peut un peu contrebalancer parfois avec l'image que je peux renvoyer, mais j'ai lu ça, j'avais, je sais pas, 16 ou 17 ans. Et c'est un livre qui te donne envie d'écrire par sa facilité d'écriture. Il te dit, enfin, on a l'impression que c'est facile d'écrire, alors que pas du tout. Et c'est aussi, je pense, un des premiers livres que j'ai lu où il y avait vraiment beaucoup d'humour, de... Ouais, c'est très trash, mais en même temps, c'est très drôle. Il y a la biographie de Sissi. Une grande passion pour Sissi, l'impératrice. Il y a un autre beau livre ici. Moi, je trouve ça formidable, et je trouve ça encore plus formidable, le parallèle qu'il y a entre son destin et celui de Romy Schneider. Enfin, elles ont toutes les deux perdu un fils dans des circonstances atroces. Elles sont toutes les deux mortes assez jeunes. Il y a vraiment... Aucune des deux ne supportait l'étiquette de princesse, une imposée par le cinéma, l'autre imposée par la cour. Enfin, je trouve que le destin de ces deux femmes se rencontre à merveille, et ces deux femmes sublimes. Enfin, moi, c'est un idéal de la féminité, que ce soit Romy Schneider qui était magnifique, ou Sissi qui était malade, mais... Elle a aussi écrit beaucoup de poèmes, des choses très belles. Et elle avait le gène des Wichtelbar, qui fait qu'elle était peut-être pas très saine, et parce que la consanguinité. Voilà, après on a plusieurs ouvrages de Beck BD. Beck BD avant que Beck BD devienne. Non, parce que j'ai lu son dernier ouvrage, ça m'a plutôt fait rire. Mais Beck BD plus jeune. On a Una et Salinger qui raconte l'histoire de l'écriture de la Trappe-cœur. Comment Salinger a écrit la Trappe-cœur pour Una O'Neill, la fille du prix Nobel. Et il décrit magnifiquement la guerre. Il parle parce que, enfin, ouais, il parle de comment cette histoire a émergé, alors qu'on parle pas du tout de Una dans la Trappe-cœur, mais il raconte vraiment comment cette histoire d'amour a marqué l'auteur, parce qu'en fait Una a quitté Salinger pour Charlie Chaplin de 20 ans, il me semble, son aîné. Mais il raconte cette histoire très bien, et il fait un parallèle avec sa vie, où à la fin il rencontre la personne avec qui il est. Et c'est une très très belle histoire d'amour. Il y a aussi un roman français qui s'appelle Roman, mais qui est le premier livre où il dit dire la vérité. Et moi, j'ai une grande passion pour l'autofiction. J'en ai fait un mémoire sur l'autofiction et les médias, comment par la mise en scène de soi, on finit par imposer la fiction comme réalité. Et voilà ce qui explique la présence de Beck BD ici. On a la confession d'un enfant du siècle aussi, quand je parlais de narcissisme et d'aimer l'autofiction. D'ailleurs, on a aussi George Sand sous ma lampe. Musset, ça a aussi été un bouleversement, c'est pour ça qu'il est là, et lui, je le relis pas en entier, pas en une fois, mais la première partie décrit magnifiquement bien la fin d'une époque, et j'ai cette impression que chaque génération se définit comme la fin de quelque chose. Comme si on avait une sorte de besoin de nostalgie, mais en même temps, on peut pas tous être la fin de quelque chose, il y a forcément des gens qui sont en plein dedans, mais je trouve ça très beau. Et après, la deuxième partie est beaucoup plus personnelle, et ça me touche beaucoup. On a Crime et Châtiment, qui est le premier gros livre que j'ai lu, parce qu'il y en a deux tomes, les deux tomes sont là d'ailleurs. que j'ai lu en seconde ou en première. Alors, moi, je culpabilise très facilement. Et quand j'ai lu Crime et Châtiment, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est ça la culpabilité, la vraie. Et je me suis beaucoup reconnue. Et c'est une histoire très drôle parce que Crime et Châtiment, c'est le plus jeune frère de ma mère qui m'a dit de le lire. Parce qu'il m'a dit, oui, à ton âge, l'important, c'est pas de s'intéresser à l'actualité, c'est de lire. Moi, par exemple, j'ai lu Crime et Châtiment, ça m'a bouleversée, il faut absolument que tu lis Crime et Châtiment. Et j'ai lu Crime et Châtiment, j'ai mis 6 mois à lire Crime et Châtiment, parce que c'est aussi la première fois que je mettais autant de temps à lire un livre, parce que c'est pas écrit très gros, et sans parler de ça, c'est des chapitres qui font une 50aine de pages. Et comme c'est des noms russes, que les personnages commencent à changer de nom, on peut pas s'arrêter au milieu d'un chapitre. Et donc quand on a tendance à lire par petits bouts, on a tendance à reprendre au début d'un chapitre, ce qui explique le fait que j'aime très longtemps. Et au bout de 6 mois, j'étais voir mon oncle, j'étais trop contente, j'ai dit « Oui, tonton, j'ai vu mes Crimes et Châtiments, c'est vrai, c'est formidable !» Et je lui ai dit « Par contre, t'aurais pu me prévenir que c'était 2 gros pavés de 600 pages. » Et il m'a dit « Ah, mais non, moi j'ai lu une version abrégée. » Voilà, et à ce moment-là, je ne savais même pas que les versions abrégées existaient. Qu'est-ce qu'on a d'autre par là? On a les complaintes de Laforgue. Laforgue, je crois que c'est mon poète préféré. Je l'ai étudié en prépa, pendant ma première cagne. C'est drôle, enfin, c'est vraiment l'humour comme politesse du désespoir. Je me souviens de beaucoup d'extraits de poèmes. Je serais incapable, je crois, de réciter un poème par cœur de Laforgue, mais j'ai beaucoup de petits paragraphes, ceux qui m'avaient fait le plus sourire, même si ça avait été très complexe. Enfin, la première lecture de Laforgue avant d'avoir lu des essais, je trouvais ça un peu loufoque, parfois drôle. J'ai retrouvé parce que j'ai plusieurs éditions, j'ai plusieurs fois la même édition parce que je pensais l'avoir perdue, donc je l'avais rachetée pour l'étudier en classe. Là, c'est pas ma version la plus annotée parce que j'ai prêté ma version la plus annotée. Et donc ça, c'est celle où j'ai découvert la première fois, et en la feuilletant, je me suis rendu compte que j'ai écrit « Mais il faut qu'il arrête de se plaindre, ce mec !» Alors qu'en fait, la complainte... Enfin, les poèmes étaient faits pour ça, à la base. Et finalement, en fait, il a beaucoup d'autodérision vis-à-vis de tout ça. On a aussi « Comme un roman » de Daniel Pennac. Alors celui-là, en fait, il est arrivé dans la bibliothèque il n'y a pas très longtemps. Parce qu'un ami me l'a conseillé, et je trouvais ça formidable qu'il me le conseille, parce que moi je ne le connaissais pas du tout, mais il y a les 10 droits du lecteur à la fin, et en fait c'est une affiche que j'avais dans ma chambre quand j'étais enfant, enfin que j'ai eu dans ma chambre toute mon enfance, et qui a fait de moi, je pense, la lectrice que je suis aujourd'hui, parce que dans ces règles, il y a notamment le droit de grappiller, le droit de ne pas lire un livre jusqu'au bout, le droit de lire, de commencer par la fin, le droit de sauter des pages, le droit de ne pas le dire. Et moi, cette affiche, elle était dans ma chambre, et c'était un cadeau de la librairie dans laquelle ma mère m'amenait toutes les semaines. Enfin, toutes les semaines, ma mère m'a mis dans une librairie jeunesse en sortant de l'école. Et on a acheté beaucoup de livres. Et du coup, je trouve ça super qu'on me le conseille et que ça vienne de là et que ça arrive ici. Et du coup, je le garde là. Parce que cette affiche, j'ai essayé de la retrouver, mais je l'ai... Enfin, c'est peut-être pas assez, hein, mais je l'ai pas retrouvée ni dans les cartons chez moi, ni même ailleurs. Voilà pour ce qui est des livres de chevet. Françoise Sagan, Des bleus à l'âme. Ce qu'il y a d'agréable pour moi dans ce roman que j'écris au jour le jour et que j'espère cette fois-ci, c'est que personne, vraiment personne, ne viendra me dire « C'est drôle, vous savez, Sébastien, c'est tellement moi. Et Léonore, c'est absolument moi. » Pour Nora Gedelman, je me fais peu de soucis. C'est si lassant cette assimilation qui est, paraît-il, hélas, à la base du succès, en tout cas du mien. J'ai vu des dames monstres m'expliquer à quel point elles étaient reconnues dans la pole de Aimez-vous Brahms. Ou Dieu sait quoi, j'en ai vu des gens étranges, si loin de ma pensée, correspondre dans la leur à mes héros. Ici, je pense quand même que personne ne va voir dans l'un de ces deux fous de Suédois son homologue. Peut-être quelques esprits licencieux viendront-ils m'expliquer que eux aussi l'inceste, mais autrement, il me semble difficile de s'intégrer à ces gens. Cela dit, quand les monstres en question me murmuraient « Vous savez que je suis passée par là », j'étais sûre que c'est d'une certaine manière, c'était vrai. On a aussi des livres à côté de ma cuisine, parce qu'il y a une petite étagère. Donc ici, c'est des livres d'études, principalement. C'est des livres de... Alors là, on a quelques livres sur les genres, enfin sur l'étude des genres, du sexe et du genre, qui était pour mon mémoire de M2, mais c'est pas très intéressant, j'en tire pas grand chose. Et après, là, on a principalement des livres de théorie littéraire que j'ai lu en prépa principalement, un peu en master, mais plus en prépa. Parce que on nous en fait tellement ingurgiter en prépa, et moi j'ai pas su investir la fac parce que ça ne correspondait pas, que du coup j'ai beaucoup fait avec ce que j'avais vu en prépa. J'en ai lu d'autres qui concernaient l'autofiction par contre. On a aussi la GMF pour préparer les concours, qui est la GMF qui n'est pas la mienne, qui m'a été prêtée par un de mes meilleurs amis, parce qu'il a passé le concours un an avant moi. Et il y a toutes ces notes à l'intérieur, et je le remercie. Il m'a facilité grandement le travail. On a la Bible des étudiants en lettres, les 150 textes théoriques et critiques, qui est en fait une sélection de 150 textes de théorie littéraire. Il y a Proust, il y a Flaubert, il y a Antoine Compagnon, il y a Barthes, il y a Jacobson, il y a Heiser. Et en fait, il est très bien fait parce qu'il y a, il y a une petite introduction au texte qui explicite le texte plus complexe, et après un petit encadré avec ce qu'il faut retenir. Et il est vraiment très très bien fait, et il sauve la vie de beaucoup d'étudiants, je pense. Il y a quelques livres que je n'ai pas encore lus et dans lesquels je me plongerai un jour. On a un manuel d'anciens français. Des théories de théâtre, du roman, de plein de genres. On a le démon de la théorie d'Antoine Compagnon. Pareil, un grand classique des étudiants de lettres qui est de la théorie littéraire très très abordable, tout comme l'art du roman de Kundera. Je pense que c'est les premiers que j'ai lus. Et ça rend la théorie littéraire digeste. Et je trouve ça très très bien que ça existe. On a des livres de cinéma aussi, parce que j'ai étudié le cinéma quand j'ai cubé. J'ai quelques livres de théorie du cinéma. C'était costaud. Enfin, c'est un nouveau vocabulaire à apprendre, même s'il y a beaucoup de choses en fait qui se recoupent avec la littérature. Surtout que l'année où j'ai passé le concours, c'était Alain René qui était au programme. Donc Alain René, le nouveau roman, c'est assez imbriqué. Donc ça a beaucoup pu servir. Ça c'était un livre que j'ai lu pour mon mémoire. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit en fait j'ai pas besoin d'écrire de mémoire. C'est les dernières nouvelles du spectacle, ce que les médias font à la littérature. Et ça parle vraiment de comment l'activité médiatique influe dans la littérature aujourd'hui. Et notamment sur... parce qu'il y a beaucoup de, sorties en librairie, mais très peu qu'on lit. Et ça explique l'influence que les médias ont là-dedans. Et quels sont les auteurs médiatisés, pourquoi, sur quels critères. Et et sur le narcissisme dans la littérature aujourd'hui. Enfin, je sais pas si c'est du narcissisme, parce qu'en parlant de soi, on parle aussi des autres. Mais bon, Enfin, c'est des... c'est du jeu, en tout cas. Du jeu J-E et du jeu J-E-U. Parce que dans... enfin, c'est de ça dont ça parle, hein, les auteurs qui sortent dans les médias... enfin, les auteurs qui sont médiatisés savent jouer de leur image. Et après, on a Qu'est-ce que la littérature de Sartre, pareil, classique de prépa, L'ère du soupçon de Nathalie Sarraute, qui théorise le nouveau roman, qui est pas très simple, mais qui m'a non plus des choses très difficiles. On a des livres à l'envers. On a En lisant, en écrivant, de Julien Gracq, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu... Je l'ai lu, en fait, la semaine de révision avant le concours de Cube. Et je me suis arrêtée sur une citation, parce que j'étais avec des copines, et j'aurais dit, attendez, les filles, là, je tiens quelque chose. Et j'ai lu la citation, et dedans, il y avait les mots nue propriété, et un autre concept de droit. Et donc on a cherché ce que ça voulait dire. Et voilà. Et en fait, c'est la citation qui est tombée au concours. Et donc on était très contentes parce que on savait vraiment définir les mots qui y étaient. Alors en fait, je sais pas si je l'aime beaucoup pour ce qui est dit ou si je l'aime beaucoup pour ça. Je saurais pas dire si c'est le souvenir que j'y associe ou si c'est vraiment... un super livre. Voilà, après c'est vraiment que des livres de théorie littéraire assez classiques. Et ils sont pas, il n'y a pas d'ordre de rangement comme dans la plupart de ma bibliothèque, c'est plutôt rangé comme ça vient. Pas rangé. Mais c'est... comme j'ai plutôt une bonne mémoire, je sais ce que j'ai, traité, et plus ou moins où je l'ai mis. Là, on a encore une troisième petite bibliothèque, c'est encore des caisses à vin. Donc là, c'est un tout petit peu plus rangé. Là, on a des livres un peu rangés par taille, des essais ou des choses que j'ai lues un peu anecdotiques, mais qui m'ont marqué et que je veux pas, enfin que je veux garder, ou des choses que je n'ai pas encore lues d'ailleurs. On a par exemple Les Proies d'Annick Cogent que j'ai lu quand il est sorti, donc j'étais au lycée en 2012, qui raconte la fin du règne de Kadhafi et ce qu'il avait fait aux femmes, et c'est la première fois que je me confrontais à la violence du monde, parce que j'ai été relativement protégée de la violence extérieure du monde, enfin, notamment parce que mes parents ne voulaient pas qu'on regarde les infos quand on était jeune, parce que justement c'était trop violent. Et c'est la première fois que je me suis vraiment confrontée à une violence, et ça m'avait bouleversée. Et j'avais lu ce livre parce que l'auteur était passé dans une émission de télé dont On n'est pas couché, et que ça m'avait beaucoup intéressé ce qu'elle avait dit. Et ce livre raconte le parcours d'une femme qui s'est fait violer par Kadhafi, et sa plus ou moins reconstruction avec la fin du régime. Et moi je suis prof du coup, et je fais une séquence sur la place des femmes dans la société, dans l'argumentation avec mes secondes, et ça m'arrive de donner un extrait de ce livre. On a aussi un livre de Raphaël Glucksmann que je n'ai pas réussi à lire. Autant je trouve que cette personne parle magnifiquement bien, autant je trouve que quand il écrit c'est très pénible à lire, c'est très laborieux, mais il est là quand même, hein, parce que... voilà. Après là, on a beaucoup de livres, enfin beaucoup, quelques livres de pédopsychiatrie, enfin d'écrits par des pédopsychiatres ou de psychologie de l'enfant principalement. que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressée. Et j'ai pas mal de livres de Marcel Ruffo, notamment, parce qu'il vulgarise très très bien. Et il a tendance aussi, là je les ai pas tous, mais à raconter des histoires d'enfants comme des nouvelles, des histoires d'enfants qu'il avait en consultation, et pourquoi, et comment ça, et pourquoi les mécanismes sont ceux-là. Et du coup, j'aime beaucoup les livres de cet auteur, mais il y en a d'autres, hein. Il y a aussi Marie-Rose Moreau, qu'est-ce qu'on a d'autre, Xavier Pomereau, qui sont des pédopsychiatres plutôt médiatiques. Et j'ai, oui, vraiment, j'ai une passion pour les enfants. Et du coup j'ai beaucoup lu. En théorie, je pense que je pourrais être une mère qui applique tout bien, mais ça, c'est que de la théorie. En vrai, on fera comme les autres. Quand j'aurai des enfants, ça sera sans doute très imparfait. Mais Marcel Ruffo a dit qu'il fallait être un parent moyen, à 12 sur 20. Sinon, les enfants n'arrivaient pas à grandir. C'est pour... Donc je rassure ma mère comme ça aussi. Après, là, on a quelques livres que j'ai détestés, qu'il faudrait que je... Pas forcément que je jette, parce que je crois qu'on a Voltaire, sinon on va pas jeter les classiques. On a quelques livres que j'ai dû lire et que j'ai pas aimé, alors je les laisse là. Dans Muriel Magellan, par exemple, que j'ai dû lire pour la fac en M2 en journalisme. Et c'est fade. C'est de la paralittérature, ça n'a pas de fond, la forme, il n'y a rien à en dire non plus. Et ça m'a... Enfin, on pourrait penser que c'est la lecture distrayante, mais même pas, parce que c'est du vu et du revu. On a eu, du coup, on a plus ou moins dû interviewer l'autrice dans une mise en scène de conférence de presse, et elle se prend très au sérieux, alors que même mes tweets sont mieux écrits que ses livres. Elle pense qu'elle fait de la littérature, que ses personnages cassent les codes parce que c'est une jeune femme qui vit une sexualité libérée, alors que bah non, on a déjà vu ça, et que c'était d'un ennui à lire. Donc je ne vous conseille pas cette autrice. Alors là, on a des livres à lire. C'est des livres à lire, ou des livres que j'ai commencé, que j'ai pas fini, des livres que j'ai lus en partie. Par exemple, là on a un livre de théorie du cinéma qui s'appelle « À la recherche du bonheur, Hollywood et la comédie du remariage », que j'ai lu à peu près la moitié, et j'ai arrêté alors que c'était passionnant, mais j'ai dû entamer autre chose parce que j'ai toujours plusieurs livres en cours. J'ai en général un livre de chevet que je vais lire chez moi, pas forcément avant d'aller me coucher, mais que je vais lire chez moi. Un livre de voyage qui va plutôt être un livre où les chapitres soient sont courts, soit ça va être des récits épistolaires pour que ça puisse, enfin, se lire vite. Que surtout je puisse arrêter n'importe quand mon transport est fini ou quand je... Ou quand, par exemple, quand je suis dans une salle d'attente et que l'attente est finie, bah, il faut que je puisse arrêter. Ça va pas être Crime et Châtiment, par exemple. Voilà, donc j'ai toujours au moins deux livres en cours. Et celui-là, c'était un livre que je lisais plutôt chez moi, mais j'ai dû arrêter. Et dedans, on a un ticket de théâtre où j'ai arrêté. Pour King Kong Theory, qui avait été mis en scène au théâtre de l'Atelier dans le 18e. Et c'est comme ça, je crois, que j'ai découvert Virginie Despentes. J'ai quelques autres livres d'elle dans ma bibliothèque. C'est pas une autrice, j'aime ce qu'elle dit, mais c'est pas une autrice à laquelle je vais aller. Enfin, je vais me dire, tiens, si j'allais lire en Virginie Despentes. Mais j'ai lu un peu et j'aime bien. On a Le journal du séducteur de Quick Guard qu'il faudrait que je lise, qui a été conseillé par un ami. L'être un jeune poète, pareil, c'est des conseils d'amis qu'il faut que je lise. J'ai commencé les braves gens ne courent pas les rues de Flannery O'Connor, c'est les petites nouvelles. Ça, c'était typiquement un livre de voyage. Et je sais pas, à un moment donné, j'ai dû mettre un autre livre de voyage dans mon sac et l'abandonner. Donc, il s'est retrouvé là. Et s'il y a un troisième confinement, j'aurai de quoi piocher, même si les librairies ferment. Après, on a des livres que j'ai lus en partie. Le deuxième sexe, j'ai lu des extraits, mais j'ai pas tout lu. Et donc, il est là pour le jour où j'aurais vraiment envie de tout lire. L'œuvre, j'avais vu l'adaptation au cinéma que j'avais beaucoup aimé et je m'étais dit que je le lirais en entier. Mais finalement, apparemment, je l'ai pas lu, puisqu'il est là. C'est marrant parce que mon amoureux m'a demandé si je l'avais lu il y a pas longtemps et j'ai dit oui. En fait, non. On a Édouard Louis, Histoire de la violence. Alors, j'aime beaucoup Édouard Louis. J'ai vu l'adaptation d'Histoire de la violence qui a été faite au théâtre. Et en fait, Histoire de la violence est son seul livre que je n'ai pas lu. Et je compte le lire puisqu'il est là. Et j'aime beaucoup cet auteur parce qu'il... Enfin, je trouve qu'il dit des choses très intéressantes, notamment sur la notion de transfuge de classe. Moi, j'avais, avant d'avoir lu Édouard Louis, j'avais lu pour la fac Retour à Reims de Didier Ribon, que j'avais détesté la première fois que je l'ai lu. J'avais trouvé les 50 premières pages géniales, et après, je trouvais qu'il se répétait et que c'était beaucoup une plainte, Enfin, Mais je pense et Édouard Louis, il se place dans le même style d'auteur, mais lui, il raconte plus une histoire, vraiment. En finir avec Eddie Bellegueule, je trouve que la sociologie passe après l'art littéraire. Il y a vraiment une violence des mots, et il a une écriture qui est très, très cinématographique. Dans Qui a tué mon père, il dédie son livre à Xavier Dolan, et en fait, je trouve que ça fait sens parce que quand on le lit, il y a vraiment des images qui se forment. Et du coup, toute la réalité, enfin, sa réalité devient extrêmement palpable. Et je trouve que c'est important d'avoir conscience de ces réalités-là. Et moi, voilà, c'est un auteur que... Enfin, c'est de la littérature engagée. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup d'auteurs vraiment engagés politiquement qui, moi, me séduisent ou auxquels je reviens. Mais Édouard Louis, j'y reviens. Et Retour à Reims, en fait, je l'ai relu pendant le deuxième confinement. Le moment où on a été vraiment confinés la deuxième fois. Je l'ai relu et cette fois j'ai adoré. En fait, j'ai compris que quand je l'ai lu la première fois, j'étais pas prête à me confronter à ce que ça disait et à accepter que la réalité de Didier Ribon pouvait être aussi la mienne. Et j'ai compris, en y réfléchissant, en fait, j'ai compris que pour moi, la littérature, c'est pas quelque chose comme on peut écrire dans les dissertes quand on est au lycée, qui permet de s'évader ou je ne sais quoi. J'ai vraiment l'impression que la littérature, ou la littérature qui me plaît et que je vais lire, ça va être la littérature qui permet de se confronter à soi et de dire des choses de l'intime et qui... Oui, vraiment qui... Oui, qui dit des choses de soi. Et en fait, je crois qu'Édouard Louis me touche pas par son combat social, mais par ce qu'il dit de lui et ce qu'il peut dire de moi ou dans ce dans quoi je peux me reconnaître. Et voilà. Donc c'est ce changement de perspective qui t'a fait finalement apprécier Ribon ? Oui. Bah en fait, je me suis dit, je peux pas autant... apprécier les prises de parole d'Édouard Louis, parce que j'aime le lire, mais j'aimais aussi l'écouter en podcast. J'aimais écouter ses interviews et ne enfin et détester à ce point Héribon, alors qu'ils sont exactement dans la même filiation. Et en fait, je sais pas, j'ai vraiment eu un moment donné où je me suis dit, ok, en fait, là, je dois relire Le Retour à Reims. Ça s'est imposé comme une évidence. Et il y avait beaucoup de coïncidences qui correspondaient au moment où je l'ai relu. Et ça a été très dur de relire Le Retour à Reims la deuxième fois. Et j'ai beaucoup pleuré. Et ça a été une réelle réflexion sur moi-même et sur le monde, mais c'est enfin pour autant je dévie un peu de ces auteurs dans le sens où je ne suis absolument pas engagée politiquement, je n'ai pas spécialement envie de l'être et que oui, enfin je m'en fiche de la politique. On pourrait dire que la littérature est politique et ça l'est hein, quelque part. Mais je ne vais pas être dans un combat engagé très, très à gauche, très pour... C'est des idées que je partage, mais que j'irais pas manifester pour. Et là, j'allais passer pour quelqu'un de très désengagé, mais je... Enfin... Eux se confrontent à leur histoire, alors que moi, je me suis tendance à vouloir vivre autre chose. À pas vouloir toujours... Oui, bref. Alexandre Pouchkine, Eugène Onéguine. Mais vous, coquette sans paresse, que j'aime, même si c'est mal, offrant sourire et caresse, sans distinction en général, qu'importe vos yeux frivoles, un tel peut boire vos paroles, un autre croit en vos baisers, flatté d'une victoire aisée. Jadis, j'étais moi-même aux anges, dès que vos yeux étaient sur moi, dorénavant, je suis plus froid, je vous respecte, l'homme change, et je vous porterai secours si mon sommeil n'était trop lourd. Et vous, dont les amours vécurent, cachés aux yeux de vos parents, vous qui gardiez une âme pure, dans vos émois en découvrant l'ardeur, la crainte, l'espérance, vous qui lisiez dans l'impatience, ayant brisé le sceau secret, la lettre de votre amour vrai, donniez, timide, au téméraire, une boucle de vos cheveux, voire, au moment du sombre adieu, tendiez vos lèvres la première, pour un muet baiser d'amour, tremblant, en larmes, le sang lourd. Donc là, on revient du coup devant la majorité de ma bibliothèque, devant cette étagère Billy, où il y a pas mal de choses. Donc on a beaucoup, enfin on a des classiques, Flaubert, Stendhal, Manon Lescaut. En fait, je crois qu'ils sont là parce que, je sais pas, peut-être mon côté prof de français ou qu'il y a certains livres qu'on doit avoir dans sa bibliothèque même si on n'y revient pas souvent, enfin ou pas, je vais pas à Madame Bovary tous les jours, mais ils sont là. Alors c'est pas, enfin il y a des essais, il y a des romans, beaucoup de romans, de la poésie, du théâtre, mais c'est pas du tout rangé de façon enfin, il n'y a pas de rangement, c'est plus... Ils ont trouvé une place où ils ont pu. On a pas mal de livres de Marguerite Duras, parce que c'est une écriture très simple, qui va à l'essentiel, et c'est encore une autrice qui parle à la première personne, et que j'ai beaucoup lu, enfin un peu lu, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu beaucoup. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup de livres qui m'ont été conseillés par des gens plus ou moins proches. Là, en fait, je vois Henri de Monterland, Pitié pour les femmes, qui n'est pas un livre à moi. C'est un livre qu'on m'a prêté et que je n'ai jamais rendu. Et la personne qui... Et j'ai compris beaucoup de choses sur la personne qui me l'avait conseillé en le lisant. Et en fait, j'ai vraiment tendance à penser que les livres qu'on conseille disent beaucoup de qui on est. Et en fait, j'adore lire les livres que les gens, enfin que mes proches me conseillent, parce que des fois j'ai presque l'impression d'entendre leur voix. Et par exemple, la personne qui m'avait conseillé Henri de Monterland m'avait aussi conseillé Drieu La Rochelle. Mais Monterland, Drieu La Rochelle, c'est deux chouettes types, hein, collabo. Enfin, j'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps sur la responsabilité des écrivains en temps de crise, 45-53, et tous les deux étaient beaucoup cités sur ce qu'ils avaient fait ou non pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça n'empêche pas qu'ils écrivent très bien. Moi, je suis toujours très embêtée pour cette question, doit-on séparer l'œuvre de l'artiste? Parce qu'en même temps, le premier texte que je fais étudier à mes secondes, c'est la tribune de Virginie Despentes dans Libération qui a été faite juste après les Césars, enfin qui a été écrite juste après les Césars, où elle dit qu'on ne sépare pas le corps de la femme violée du corps de la femme qui écrit, et que c'est pareil, on ne sépare pas le corps du réalisateur qui viole du réalisateur qui fait le film. Et je suis à la fois très d'accord avec ça, mais en même temps, je vais pas aller jeter Voyage au bout de la nuit ou ça m'a pas empêché d'aller au cinéma voir le dernier film de Polanski, parce que, enfin, je suis d'accord que ce type devrait être derrière les barreaux, mais en même temps, je censurerai jamais une œuvre telle qu'elle soit. Donc j'essaie d'avoir un peu de nuances par rapport à ça. Et donc on a Monterland, enfin Drieu La Rochelle que j'ai lu cet été et qui n'est pas là, parce que comme je disais, j'ai tendance à m'éparpiller dans d'autres endroits parce qu'il n'y a plus trop de place dans cet appart. Et quand j'ai lu les lettres de Drieu La Rochelle à son amante Victoria Okempo, peut-être que je me trompe sur son nom de famille. Et c'est dingue parce qu'on découvre que ce type a en partie été entretenu par une femme, alors qu'il est très misogyne. Et dans ses lettres, il partage beaucoup son point de vue sans détour, ses engagements, sa vie, les difficultés qu'il a, notamment à monter des pièces, à être rémunéré. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai vraiment entendu la voix de l'ami qui m'avait conseillé, j'ai entendu son espèce de... son humanité, son humanisme, mais aussi... Enfin, tout ça était très cynique quand même, et j'avais... au détour de certaines phrases, j'entendais vraiment sa voix, et je trouve ça formidable, la lecture qu'on nous recommande. On a Samuel Benchetrit aussi, que j'ai déjà cité, qui est un auteur et réalisateur contemporain. Il écrit des choses très simples, très douces, et je trouve qu'il réconcilie un peu avec la vie. Enfin, c'est pas de la grande littérature, mais moi, quand je relis Le cœur en dehors, à chaque fois, je me dis, ah ouais, en fait, la vie, elle est belle. Et on a besoin de ça. Enfin, j'ai besoin de ça. On a un peu de Kundera. Alors il y a des choses que j'ai lues et des choses que j'ai pas lues de Kundera qui sont dans ma bibliothèque. J'ai notamment eu Risible Amour pendant très longtemps sur ma table de nuit que j'ai jamais réussi à lire parce qu'on me l'a offert, parce que la personne qui me l'a offert me laisse un souvenir un peu amer. Du coup j'ai jamais réussi à lire alors que pourtant il paraît que c'est formidable. Et je trouve ça un peu triste, mais j'y reviendrai plus tard. On a Belle du Seigneur. Belle du Seigneur, c'est une histoire un peu marrante que j'ai fait croire à un de mes meilleurs amis que je l'avais lu pendant très longtemps parce que c'était son roman préféré. J'osais pas lui dire que je l'avais pas lu. Je disais, ah oui, c'est formidable, c'est génial. Et pendant le confinement, le premier confinement, je lui ai dit la vérité. Et je me suis dit, mais là, j'ai du temps, je vais le lire. Et j'ai lu Belle du Seigneur. Et j'ai pas trouvé ça aussi formidable que lui. Et ça a été... Je me suis dit, comment je vais lui dire ça? J'ai trouvé qu'il y avait les livres 4 et 5 sont très très beaux. Et le livre 6 aussi. Le troisième livre, je suis rentrée dedans, mais les deux premiers livres, j'ai trouvé ça très très pénible. Et en fait, je pense que j'ai pas réussi à saisir toute l'ironie et l'humour qu'il mettait dans cette distance quand il décrit les hauts fonctionnaires européens. Et en fait, je suis passée à côté des premiers livres pour ça, mais en même temps, je suis pas prête à le relire pour comprendre, pour vraiment comprendre ce à côté de quoi je suis passée. Mais. Comme la personne qui m'a conseillé, j'y tiens beaucoup et que je comprends que c'est un livre fondateur pour lui, je sais qu'un jour je finirai par y revenir. Parce que, oui, enfin, quand je dis ça, j'ai l'impression de. Les livres, c'est pas comme des amis, mais moi, des fois, je préfère passer une soirée avec un bon livre, avec Kundera, avec Cohen, avec Marguerite Duras, qu'avec des. Qu'avec des mondanités sans grand intérêt. Et c'est pour ça que il n'y a que les personnes en qui j'ai. Enfin, si j'achète un livre que quelqu'un m'a conseillé, c'est vraiment que cette personne compte pour moi. Sinon, j'achète pas. Enfin, je pense qu'il y a trop de choses à lire, que j'ai trop pour m'encombrer de. De choses, de personnes dont je n'ai pas spécialement confiance dans leur goût de lecture ou par les conseils de ta tante que tu vois 3 fois par an et qui lit un livre tous les 2 ans, c'est pas ouf. En même temps, t'as pas envie de la vexer, alors tu dis oui. Et tu prends le livre. Samuel Benchetrit, La nuit avec ma femme. On oubliera qui nous sommes, que la nuit se termine, que les voix viennent des corps et les corps de la terre. On oubliera nos reflets et les vitres et l'hiver. On oubliera ce qui est impardonnable, nos combats, nos colères. On oubliera aussi nos humeurs puisque le ciel n'est jamais le même. On oubliera nos peaux et l'infini dans ton regard. L'horizon, le matin, la dernière larme, nos doigts mêlés, l'essoufflement. On oubliera de se venger. On oubliera de s'en vouloir, les blessures et les guerres, la nuit de l'enfantement. On oubliera la peur, les moqueries et la honte, les voyages, les décors, le sud et l'est. On oubliera nos odeurs, la fierté, les premières blondeurs. On oubliera la peine. On ne gardera peut-être qu'un baiser. Alors souvent les livres qui sont, parce qu'il y a du coup il y a mes livres bien rangés et des livres dessus parce qu'il n'y avait plus de place et j'aime pas mettre des livres devant les livres, parce qu'après on les voit pas, je trouve ça quand même beau une bibliothèque. Je me suis rendu compte que j'étais assez peu matérialiste je crois, mais que les livres c'est quelque chose dont j'arrive pas à me passer, enfin c'est pas, je pourrais pas avoir 4 livres... et emprunter les autres. J'aime vraiment acheter mes livres parce que j'écris dedans, je les annote, je les plie. J'ai tendance à dire qu'un livre c'est fait pour vivre. C'est pas, c'est pas grave si j'en verse du café sur mon livre ou du thé ou qu'il y a une tache. En fait, non, le livre il a vécu. Et c'est marrant parce que cet été j'ai lu 2 livres qui étaient formidables, qui étaient des traductions. J'ai lu L'autre moitié de soi de Brit Bennett, qui parle, c'est l'histoire de 2 sœurs aux États-Unis qui vivent, qui sont considérées comme noires mais qui sont blanches. Parce que, enfin, aux États-Unis, on est soit considéré comme noir, soit considéré comme blanc dans les années 50. Et en fait, elles sont issues d'une famille noire, mais à force de s'être. C'est trivial hein, comme détail, mais de s'être reproduit avec des gens moins noirs, elles sont blanches, enfin elles sont pas typées. Et ça raconte l'histoire de ces deux sœurs, et les deux décident de fuir leur village. Et il y en a une qui décide de... Il y en a une qui renie totalement son histoire et qui se fait passer pour Blanche. Et ça parle de est-ce qu'on peut vivre une vie sans son passé et à quel point ça peut influencer. Et l'autre livre que j'ai lu, c'était Le dernier été en ville. C'est un livre traduit de l'italien. C'est un livre qui est sorti dans les années 70, mais qui a été redécouvert il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ce livre m'a été conseillé par un libraire. Je lui ai dit, parce qu'après avoir lu L'autre moitié de soi de Brick Bonnet, j'ai dit voilà, j'ai lu L'autre moitié de soi de Brick Bonnet, j'ai trouvé ça formidable parce que c'était une vraie lecture d'été, c'était facile à lire, mais en même temps il y avait du fond et j'ai envie d'une autre lecture comme ça, quelque chose de facile, où on rentre vraiment dans une histoire, mais où en même temps il y a du fond et où ça dise quelque chose, et il m'a conseillé du coup ce livre. Et c'était un très très bon conseil. C'était c'était un libraire de la librairie de Paris, place de Clichy. Sinon, dans la rue, il y a une très bonne librairie, qui s'appelle Le Pied-à-Terre. Voilà, bon. Et il m'a conseillé ce livre. Et dans ce livre, il y avait un passage où c'est un livre qui parle de la génération perdue dans les années 70, et c'est une histoire d'amour sur fond de quête de sens. Et il y a tout un passage où il raconte qu'il achète des livres d'occasion et que pour les choisir, il regarde que les pages soient pas trop cornées, parce que si on a corné souvent les pages, ça veut dire qu'on s'est vite ennuyé, qu'on n'est pas resté. Puis il regarde s'il y a des miettes dans le livre, parce que s'il y a des miettes dans le livre, ça veut dire qu'il est bien, parce qu'un livre qu'on garde en mangeant, c'est que c'est vraiment un livre bien. Du coup, il y avait tout un passage sur les livres d'occasion, d'où le fait, pour en revenir aux livres qui doivent vivre. Et moi, c'est un mélange de livres neufs et de livres d'occasion. Je vais vraiment voir la petite étiquette jaune de J.B.R. Joseph. Il y en a un plus bas. Et donc voilà, on a pas mal de littérature américaine. Donc on avait Bukowski, on a Burroughs, on a Fitzgerald. D'ailleurs, pendant le confinement aussi, j'ai lu Zelda Fitzgerald, la femme de Scott. Et j'ai lu Accordez-moi cette valse, qui est le pendant de Tendre à la nuit. Et son écriture est fascinante parce que c'est une écriture très simple, presque enfantine. Et en même temps, c'est très beau. C'était très, très simple à lire du coup. Ça faisait naître beaucoup d'images. Et ce qui est formidable, c'est le rapport qu'ils avaient l'un à l'autre en tant que créateurs. Et que sans doute pas mal des textes de Fitzgerald sont dus à sa femme, qu'elle aurait écrit à sa place et qu'il aurait signé. Et ce rapport entre deux artistes était assez fascinant. Alors là, on a Le cœur en dehors, qui est un de mes livres préférés et qui devrait être dans mes livres intimes. Donc je vais le remettre. Je l'offre beaucoup aux gens qui comptent et qui, je sais, sauront l'apprécier. Parce que ça peut paraître une lecture un peu niaise, mais je pense que la niaiserie, ça fait du bien parfois. Après, on a aussi du théâtre, pas mal. Alors moi, j'ai une passion pour Alexis Michalik. J'ai découvert Alexis Michalik en arrivant à Paris. Et j'ai été voir Intramuros. Et je me suis dit, oh, c'est formidable, il faut absolument que j'y retourne. J'y suis retournée la semaine d'après. Enfin, cet auteur a la faculté de nous prendre dans une histoire, de vraiment de raconter une histoire. Donc j'ai vu toutes ces pièces. Et a vraiment ce. Enfin, j'ai l'impression que ce qu'il dit à la fin du Porteur d'Histoire, il dit que ceux qui savent raconter des histoires dirigent le monde. Et en fait, c'est vraiment ça. Enfin, il nous fait tellement rentrer dans un. dans ses récits et dans ses histoires que moi je veux juste qu'elle fasse étudier à mes élèves. Enfin, je leur fais étudier à Edmond en espérant que ça les amène à lire Cyrano. C'est toujours, enfin, c'est ce que je disais au début, la facilité du contemporain pour aller vers des choses moins accessibles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas très d'accord avec ça. Mais ça a marché pour moi, donc je me dis que ça peut marcher pour d'autres. Et c'est plutôt amusant comment il s'est réapproprié Cyrano pour faire une réécriture dans Edmond. Même si j'ai découvert, il y a quelques mois, même si lui en parlait déjà beaucoup, qu'il avait tout pompé au réalisateur de Shakespeare in Love. Et bon, après, l'art est une éternelle réécriture. Hervé Guibert, Le Mausolée des Amants, journal, 1976-1991. Il aura fallu, dans le train hier soir, que je me regarde dans la glace du cabinet de toilette, dans une surface de réflexion apparemment identique à la surface familière, pour que je m'aperçoive à quel point mon visage a fondu, à quel point ma chair est partie loin de mes os pour aller je ne sais où. Mais la satisfaction de cette constatation, le plaisir de découvrir un visage nouveau, dépassait l'inquiétude. Dans la mer, nue, une sensation posthume de mon corps. Il était encore vivant, il avait encore une pesanteur, un volume, une mobilité. Il pouvait encore brasser l'eau, du sang continuer d'accomplir ses trajets à l'intérieur de ses circuits veineux, et jusqu'à sa cervelle, qui était encore une mâche chaude et fourmillante. Et soudain, je regardais le soleil, voilé, et ce bloc de conscience n'était plus qu'une poudre qui se dissipait dans l'eau. Mes mains et mes pieds devenaient la nourriture des méduses. Après, là, on a des livres qui ne sont pas des livres de poche, donc ils sont rangés là justement parce qu'ils sont plus grands. Alors c'est beaucoup de littérature contemporaine, pour la plupart. On a juste, parmi ces auteurs contemporains, on a Proust, parce que c'est le premier volume de La Recherche du Temps Perdu. En fait, j'avais demandé à ma grand-mère de me le commander, et elle s'est trompée, elle m'a pas pris l'édition de poche. Mais c'est pas grave, il est très bien ici. Et j'ai longtemps cru qu'en fait La Recherche n'était que ça. Et quand j'ai découvert qu'en fait il y avait beaucoup de volumes, je me suis dit, ah, on va s'arrêter au tome 1. Ça a été une lecture que j'ai faite en prépa. Très difficile au début. Enfin, très difficile. Je trouvais ça très beau. Mais je m'endormais toutes les deux phrases. Mais vraiment, c'était le. C'était mieux qu'un. C'était le meilleur des somnifères. Et je me suis accrochée et j'ai fini par le lire. Mais j'avoue que je reviens très peu à Proust. Enfin, plus ces textes théoriques. Enfin, des extraits de textes théoriques que La Recherche a pu en parler. On a des livres de Nicolas Rey, qui est un autre auteur contemporain, et que moi j'aime beaucoup la simplicité de sa plume. Il vit dans le quartier, et un jour je l'ai croisé, et je lui ai dit, et je venais de lire un de ses livres, et je lui ai dit, enfin, il a beaucoup changé parce que la drogue ça fait beaucoup de dégâts. Et je lui ai dit, c'est formidable, vous avez écrit les livres que j'aurais aimé écrire. Il m'a dit, oui, mais faut en écrire d'autres. Et voilà, je trouve ça sympathique. Du coup, j'ai pas mal de ces livres. Après, le livre de Clément Bénèche, qui est aussi un jeune auteur contemporain. Enfin, là, on a Un amour d'espion, qui est un livre que j'ai trouvé très drôle, et surtout, sans parler de l'humour qu'il y a dedans, ce que j'ai aimé, c'est qu'il montre comment aujourd'hui encore le romanesque peut naître, même avec les réseaux sociaux. Il y a un espèce d'élan contre la nostalgie et la mélancolie. Et c'est assez agréable. Enfin, c'est rafraîchissant et en même temps c'est très profond. Donc on garde Clément Bénèche par là. On a ce livre, c'est Le Roi Vierge, qui parle de Louis II de Bavière. Autre grande passion pour aller avec Sissi. Et en fait, j'ai dû le lire pour un cours à la fac qui s'appelait Sur les décadents. Et ça parlait d'écrivains dont la vie était plus une œuvre d'art que ce qu'ils avaient réussi à faire en termes d'œuvre. Et j'ai vraiment trouvé ce cours génial. Et bref, on devait faire un dossier. Et du coup, je fais un dossier sur Ludo de Bavière, qui était le mécène de Wagner et qui dépensait tout l'argent de l'État en fête et pour l'art. Donc il était fou, toujours dû à ce gène des Wichtelbach. Et qu'est-ce qu'on... Et ce livre raconte en partie son homosexualité et aussi sa mort troublante autour du lac de Meyerling. On a aussi un autre livre de Beck BD qui est la conversation d'un enfant du siècle. Alors c'est un clin d'œil à Musset, le titre, et ça regroupe des interviews qu'il a fait pour le Figaro littéraire. Alors ce livre, j'hésite toujours, je sais jamais trop où le mettre. Ce que j'hésite à le mettre, donc soit il est là, soit je le mets avec les autres livres de théorie littéraire, parce qu'il du coup il discute avec des écrivains contemporains, et il y a des réflexions qui sont très très intéressantes. Il y a notamment une interview qui n'a pas eu lieu avec François Sagan parce que elle oubliait ou... Enfin, il se loupait à chaque fois. Et il écrit cette phrase. En parlant de Sagan, il dit « Parfois, j'avais l'impression qu'elle écrivait les dialogues et les situations en parlant de la vie. » Et c'est un peu ça, la littérature aussi. J'ai l'impression que quand on lit beaucoup, tout ce qu'on vit devient soit matière à roman, soit ça c'est romanesque. Genre, j'ai l'impression qu'on voit tout à travers un certain prisme, et même dans la façon de raconter un événement qui peut paraître anodin ou un micro-événement peut tout de suite devenir quelque chose de gigantesque, parce qu'on voit pas forcément un potentiel littéraire, mais on voit plus que ce que ça n'est, ou on a tendance à mettre beaucoup de choses derrière, alors qu'en fait, c'est juste la vie. Bon, mais du coup, j'aime beaucoup cette phrase de ce livre. Et ce qui me fait aussi beaucoup rire, c'est que j'ai commencé une copie par cette citation en prépa, en lettres, et j'ai vu mis ça venait de Frédéric Beigbeder. Et la prof m'a mis en gros, en rouge, dans la marge. Ceci n'est pas dans l'horizon d'attente de l'ENS, 3 points d'exclamation. Je me suis dit, ok. Et la fois d'après, j'ai recommencé ma copie avec la même citation, mais au lieu de mettre Frédéric Beigbeder, j'ai mis un journaliste du Figaro littéraire. Et là, elle m'a mis très bien dans la marge. Et ça... Je trouvais que c'était assez représentatif de toute l'hypocrisie de ces grandes écoles et de ces concours. Et aussi, ça montre que l'image qu'on construit publiquement est très importante pour être considérée ou non. Là, je vois qu'il y a un autre livre qui est un livre qui m'a été conseillé par un ami et qui m'a offert d'ailleurs. Et je trouvais ça pas très bien, pas très bon. C'est un espèce d'essai sur comment être écrivain, et sur sorte, le développement personnel et la superstition. Et moi, je crois pas trop au développement personnel. Enfin, c'est un moyen, pas une... Enfin, je pense que c'est un moyen. Il y a des outils de développement personnel qui sont... qu'on peut appliquer, mais je crois pas comme mode de vie ou... Je suis très très sceptique par rapport à tout ça. Et cette amie, j'avais peur qu'il se vexe quand si je lui disais que je trouvais son bouquin très très moyen et que je ne le finirais pas. Et il s'est pas vexé parce que je lui annonçais quand j'étais pas très sobre. Il a trouvé ça très drôle que je lui dise ça. Donc il s'est pas vexé, donc je... l'honneur est sauf. Après là, on a aussi des livres que je dois lire, que je n'ai pas encore lus, qui sont ici. Je vois Ada ou l'Ardeur qui m'a été conseillée par mon ancien professeur de piano. Voilà, et je lui fais assez confiance et je compte le lire quand j'aurai assez de temps de cerveau disponible pour me mettre dans ce pavé. Et en bas, on a des beaux livres et des dictionnaires. On a le livre Elle de Audrey Poulvar, qui est sorti il y a quelques années et qui parle de... C'est libre comme elle et qui parle de femmes indépendantes plus ou moins avant l'heure et de ce qu'elles ont fait dans l'histoire. Et c'était assez intéressant. On a un livre sur Duras, on a des livres de peinture, on a des livres sur Yves Saint Laurent, sur la mode, sur Chanel aussi, il me semble. Voilà, principalement. Quelques livres d'histoire. C'est pas... J'aime bien les beaux livres, je trouve ça réconfortant. On les lit. C'est pas des livres qu'on lit d'un bout à l'autre, c'est vraiment des livres qu'on prend, qu'on feuillette, qu'on... Ouais, j'en ai que j'ai même pas ouvert encore, mais qui sont là, et je me dis qu'un jour je m'y intéresserai sans doute. Thank you.